Big Red, they are real big man. Them finna the levels higher than them. And where them think? You know that we banks them like a ball. The other day rise, the other day fall. Friendship to the end, and them finna so we not bend no curve. Big Red, tell them. Vamos de West to the massive for the supply. Bueno, Roldan. Ahora sí, Big Red para Max Center. Oye, para todos los bailadores. Right. Dice que. Díselo tú, chiquito. All muscle. Oye, mamita, te veo aleja. Ven pa' sola que tú estás invitada. Me serres dans le mouvement. Allez sur le mouvement. Je te dis personnellement. Oui, que pour tous les gens. Pasa, no quiero, pero pasa. La bande, vous voyez bande, parfait en sueur, beaucoup de fumeurs à la ronde. Ensemble on représente le monde, right. Représente le monde. À la manière bombassante, ça commence cool et puis ça devient fat. À l'entrée ça refoule, à l'intérieur ça s'éclate. Secteur interdit, gâteau les rats flat. Bouge dans tous les sens, mais ne mets pas de coups de latte. Donde está la conga? Déjenme pasar. Quítense del medio, que voy a tocar. Repito, dame la campana. Hasta la mañana, gritando el solar. Oye, mamita, te veo aleja. Ven pa' sola que tú estás invitada. Me serres dans le mouvement. Allez sur le mouvement. Je te dis personnellement. Oui, que pour tous les gens. Pasa, no quiero, pero pasa. Ven sin dinero. Todos te quieren ver moviéndote sin miedo. Está sonando ya los cueros, anunciando que la rumba que se cosecha en el barrio está caliente. Sexy girl abonda, boom boy abonda. Que se forme ya el reguero. Pero escuchen bien, no quiero ni un problema, no me gusta el mal ambiente. Sexy girl abonda, boom boy abonda. Nous représentons le monde à la manière bomba sonda. J'enchaîne mon temps où le selecteur fait son cantaille. Pas besoin de pas où j'envoie les clics avec ma voix. Sexy girl la bande, vous voyez la bande. Beaucoup de fumeurs à la ronde. Tombe pas dans le panneau, y'a pas de panique dans la réseau. Roldan et Big Red prennent le Mark Center. Bueno, caballero, Paris Cuba, recojan que vamos tumbando. Nos resuez. Pago. Saca la trompeta, veo. Watchando. Oye, mamita, te veo aleja. Ven pa' sola que tú estás invitada. Me serres dans le mouvement. Allez sur le mouvement. Je te dis personnellement. Oui, que pour tous les gens. Pasa.